Le jardin de la rose de François Thérault. Dans le jardin joyeux, aux roses à peine éclos, chante le rossignol de sa chanson. Dans le jardin joyeux, aux roses à peine éclos, chante le rossignol de sa chanson. Désaltéré, a bu une lampée.